Si ça ne va pas fort aujourd'hui, dites-vous que vous auriez pu être Jean-Pierre Dupuis. Le philosophe est notamment l'auteur d'un livre dont le titre vaut tout un programme, Le catastrophisme éclairé. Sous-entendu, si vous n'êtes pas catastrophiste, si vous pensez que le pire n'est pas certain, c'est que vous ne pensez pas. Une vraie nouveauté en matière philosophique, en tout cas sous une forme aussi radicale, puisque d'ordinaire, les philosophes s'emploient de manière plus ou moins adroite à rassurer les individus, à leur expliquer pourquoi ils ne doivent pas avoir peur. La plupart des grands théoriciens du politique, tels Montesquieu, ont considéré que la terreur s'opposait à la raison et à la sagesse. Eh ben pas Jean-Pierre Dupuis, pour qui la sagesse n'est pas d'envisager la possibilité de la catastrophe, mais bien de vivre dans sa certitude d'être persuadé du caractère inéluctable de la catastrophe. Pour Jean-Pierre Dupuis, il n'est pas véritablement possible d'anticiper cette catastrophe. On ne la croit possible qu'une fois que celle-ci est advenue. Du coup, tout ce qui relève de la prévention échoue toujours. Les procédures essayent d'éviter le pire dans un monde possible, mais lointain, non actualisé. D'où sa proposition « rendre la catastrophe certaine », l'inscrire délibérément dans l'avenir, considérer toujours que le pire est absolument certain. Si l'on considère que le pire est seulement possible, ajoute Dupuis, alors l'homme prétend toujours trouver une solution, se dit qu'il existera bien une bifurcation. C'est le côté pervers du principe de précaution qui considère que le pire est seulement plausible. Être philosophe, c'est donc se transformer en une sorte d'anti-pangloss. Le vrai risque, c'est que les opinions publiques ne sont pas encore pénétrées par la certitude du désastre parce que, nous dit Dupuis, nous ne croyons pas ce que nous savons. À la centrale de Fukushima Daiichi, nous n'avons pas confirmé qu'il s'agit d'une explosion du réacteur. Il y a juste une sorte d'explosion qui m'a été confirmée. L'histoire est pleine de catastrophes, rappelle le philosophe, depuis le tremblement de terre de Lisbonne jusqu'au bombardement d'Hiroshima, en passant par le non-respect du protocole de Kyoto. Et pourtant, hélas, l'homme reste désespérément optimiste. Mais attention, s'il suffisait d'annoncer une catastrophe pour qu'elle ne se produise pas, l'exercice serait des plus aisés. Certains hommes sont toujours optimistes, ils refusent de prendre la mesure du risque qui les menace et pour qu'ils consentent enfin à agir, il faut les convaincre de la proximité de l'apocalypse. Voilà pourquoi il faut paniquer l'homme pour le sauver, voilà pourquoi une métaphysique de la catastrophe est indispensable. Et maintenant, bonne journée en attendant la catastrophe.